Tout se dénoua le lendemain soir. Serena n'emporte avec elle que très peu d'objets, quelques vêtements, quelques accessoires personnels, quelques photographies. Elle ouvrit la cage de ses oiseaux et laissa sa maison dans un désordre complet. Elle ne prit pas la peine de laver la vaisselle ni de faire son lit. Ce qui adviendrait dans ce lieu, dans cette île, après son départ, ne lui importait plus. Elle sortit de chez elle vers 21h dans un état presque second. La douleur où l'avait plongé l'effacement de Brugge, celle aussi de quitter un Léandri mourant, agissait comme un moteur. Elle accomplissait les actions de son départ sans vraiment réaliser ce qui se passait, sans vraiment prendre la mesure de l'événement. Elle ne pensait rien d'autre qu'à ce point sur la mer où elle renaîtrait peut-être de ses cendres. L'idée que le sauvetage pût être un leurre ne l'effleurait même pas. Elle se dirigea machinalement vers la barque que Melchior avait préparée pour elle, sans regarder derrière elle, sans prudence particulière. Elle s'installa à bord, défit la mare et commença à ramer. Le récif de la Gorgone était un peu loin, et le clair de lune était par instants voilé par les nuages. Il fallait ramer, soutenir l'effort physique, lutter contre le courant, maintenir son cap. Cela occupait tout son esprit, étrangement vide de sentiments. Une sensation violente de liberté avait remplacé toutes ses autres émotions. Plus rien ne comptait en dehors de ce point sur l'eau, de son cheminement vers ce point, de ses bras qui ramaient pour les conduire. Melchior, dans l'ombre d'un bosquet, d'où il pouvait observer la baie à l'aide de sa longue vue, se gorgea longuement de l'image de cette femme, à l'expression butée, presque démente, qui ramait une cadence extraordinairement rapide et qui ne se retournait pas. Il était la proie de sentiments divers, la tristesse de la voir partir, la blessure d'amour-propre qu'elle n'avait même pas cherché à le revoir. La jalousie peut-être de l'avoir accomplir ce qu'il avait choisi de ne pas faire lui-même, et surtout la curiosité sur le sort qui lui était réservé. Allait-elle se faire tuer comme un animal fugitif? Allait-elle attendre indéfiniment sur sa barque? Allait-elle vraiment partir? Il ne quitterait pas son poste d'observation avant de le savoir. À quelques kilomètres de là, Neil s'approchait silencieusement du lit de ses parents. « Maman, » chuchota-t-il. Olga ouvrit les yeux immédiatement, incertaine de ce qu'elle entendait. « Suis-moi, » chuchota-t-il. Olga, abasourdie, docile, se leva sans même prendre la peine d'enfiler ses sandales. Elle suivit Nils dans le couloir, dans l'escalier, dans le jardin, puis sur le sentier du littoral, sans dire un mot. Sa chemise de nuit la rendait plus semblable encore à une créature flottante, obéissant à un magnétisme surnaturel. Nils marchait d'un pas rapide et ne se retournait pas. Il savait que sa mère, pour entendre sa voix, ne reculerait devant rien. Lorsqu'ils arrivèrent au bord de la falaise, un long frisson parcourut Olga, et elle eut le sentiment de s'éveiller d'un sommeil somnambulique. « Pourquoi sommes-nous venus ici ?» Elle sentait quelque chose mais n'avait pas encore saisi la mesure de la situation. Neil se demanda comment elle pouvait être si naïve alors qu'elle venait d'ordonner de le tuer. « Pour être tranquille, » répondit-il, « pour parler. » Olga le regardait avec émerveillement, comme s'il parlait pour la première fois. Elle pleurait, peut-être. Son visage était dans la pénombre. « Je suis tellement heureuse, » dit-elle maladroitement. « J'avais fini par me convaincre que cela n'arriverait plus. « Tu vois, » dit-il, « tout arrive. » Elle semblait lutter contre une marée de souvenirs qu'allait rendre la conversation difficile. Il ne tenait pas à ce que cette scène dure longtemps. Mais il se sentait tout à coup désarmé par la silhouette fragile de sa mère, par ses pieds blessés par le chemin, par sa coiffure défaite, par ses yeux sans phare, par la candeur étrange de sa réaction. « Elle était un monstre, » se répétait-il. Il devait l'abattre pour se sauver lui-même. Mais tous les mots de vengeance qu'il avait répétés mouraient sur ses lèvres. « L'effacement de Brugge, » commença-t-il. « Ne parlons pas de ça, je t'en supplie, » dit-elle. « Il n'y aura plus d'effacement. Nous allons vivre en paix, comme autrefois. » Nils détourna la tête. « Je ne sais pas comment je peux te pardonner tout le mal que tu as fait. » Olga s'avança vers lui, inexorablement, vers lui qui se tenait au bord de la falaise. « Je te pardonne pourtant, » articula-t-il, et il étouffa un sanglot lorsque sa mère approcha assez près pour qu'il la pousse d'un geste brutal. Cela ne fit pas de bruit, à peine un cri assourdi par le ressac, et cela fut si rapide qu'il n'eut pas le temps de voir le visage d'Olga. Il était seul, maintenant, au bord de la falaise. Au même instant, une vaste forme noire émergeait de l'eau près du récif de la Gorgone, et un jeune homme souriant, pâle et mal rasé, tendait la main à Serena pour la hisser à bord.